ça et moi. Que ça fait, oh, on est déterminé. Cherche pas de la fête, bâtard, on va te briser. Oh, on est déterminé. À payer par n'importe quel moyen. Oh, on est déterminé. Cherche pas de la fête, bâtard, on va te briser. Oh, on est déterminé. À payer par n'importe quel moyen. C'est dead, tu déterres à buffer. Capable de tout pour mon billet. Cherche pas me la mettre ou je vais te briser. C'est tendu ces temps-ci, j'pense pas l'Elysée. Squat pour lycée, j'suis déter. Négro, ma tête à Sao Paulo. Faut de la maille pour la MIFA. Sur un beat lourd, j'ai dit ça. Anti-fils de pute, négro, c'est ça. Pantalia, c'est barre-toi, déter jusqu'au bout. J'enterre mes substances, y'a plus de traces. Quand j'fonce ces chiens, voulez me la mettre. La faire à l'envers. Dur comme un fer, ne lâche pas l'affaire, je suis déterminé. Pour un kit ça peut scanner, ça peut sortir une âme et faire. Pour des sales matières ça peut. Mais moi je vais pas hard bat, bâtard. Tu déterres pour ta patte. Ça fait, oh, on est déterminé. Cherche pas de la fête, bâtard, on va te briser. Oh, on est déterminé. À payer par n'importe quel moyen. Oh, on est déterminé. Cherche pas de la fête, bâtard, on va te briser. Oh, on est déterminé. À payer par n'importe quel moyen. Don't get up, you know me, you know me, you know me. Chakra guns, Chaka solo spirit. They kid for me, son. Folks is in the silence. So rough and show dope. 416 clocks, 212 in. Sweet old day with the murderers as I come in. Shiller select flying on your toy. Come on, boy. Smell gigolos on your highs. Us burn warriors, burn to be king. Burn rich, black. Africa from the war with the picking up the buckles. Twist no wallet for your papers. Let your mind get the murder early. Holy, one life only. Cause the day's bringing all around you. Came in just real like the sunrise along the world. Money, power, respect, that's what I am. What I could do for you. By myself, I'm gonna get it. No matter the snitching, that's what we proceed. The full anger for your brief. Take it, take it. When you want, you can. So real music, you blow, you can. Boost up, motherfucker, fuck season. Oh, on est déterminé. Cherche pas de la fête, bâtard, on va te briser. Oh, on est déterminé. À payer par n'importe quel moyen. Oh, on est déterminé. Cherche pas de la fête, bâtard, on va te briser. Oh, on est déterminé. À payer par n'importe quel moyen. Là c'est Marseille, j'suis déterminé. Traîne avec moi et t'inquiète pas, les meufs vont te kiffer. Mon album va bientôt arriver. Baisse les skins, j'te jure, ils vont tous pleurer. Les keufs veulent tous m'arrêter. Mais t'inquiète pas, j'suis trop malin et bien trop rusé. Hey, ne parle pas trop fort. Les keufs, on leur met des paf trop fort. J'suis déterminé. Comme CRF et Alpha, chaque CD font disque d'or. Ça fait plaisir quand t'écoutes des sons hardcore. Ça fait plaisir quand t'écoutes mon side d'or. J'suis toujours dans les putains de plans d'or. Victime de la société, j'fume que des joints toute la journée. J'm'arrête jamais, j'suis déterminé. Comme ceux c'est qui passent quitter. Je suis jamais à quitter. Même si j'prends les meilleurs avocats, j'prends du ferme. J'ai ma tête qui est cramée. J'tourne sur Paname toute la journée. Chante toujours avec mes refrains. J'prends jamais la tête, t'inquiète, ce soir j'paye la paix.